Ok, ok, c'est Romain Gordon pour 3G Prod 2012. Ok. Trop souvent égaré, éclaté par des pavés de plus petits justiciers. Toujours au PM justifié, quiconque peut comprendre que la vie que j'ai vue tout de suite compris. Car mes parents m'ont fait, car le mal est ainsi fait, car mon sang est incomprimé, est incompressé. Mon son versé, ma terre, ma tête vient de planer. Et penser comment les oublier, oui, mon rime vient d'être balancé. RG, j'maîtrise, j'méprise. 3G, eh oui, j'maîtrise, j'méprise. Le 33 pour trinquer, RG. Je maîtrise, 3G, eh oui, je maîtrise, le 33 pour trinquer, les caisses m'ont sont versées, ma clope à sur des barres comme Orlando, je traverse le Boeing, marquant les esprits de MG, la banque du sperme feu à toi, baisse la France, musique se plonge dans la modestie, ici c'est 33, bac à boulot, on éclate, on sarque sauvage sur la première plage. Sarque sauvage, alors je remonte le temps, je plombe toutes les tensions, les petites attentions, les remarques ça fait mouche, je crache dans la peau sous, aussi sèche que mon revers sur la fille aux cheveux clairs, ses yeux plus pâles verts, montre trop petit, section polaire, sous cristal noir bijoux, en cristal chinois comme d'hab, je me noie, je bois comme Benoît. RG, je maîtrise, 3G, eh oui, je maîtrise, le 33 pour trinquer, RG, je maîtrise, 3G, eh oui, je maîtrise, le 33 pour trinquer. RG, je maîtrise, 3G, eh oui, je maîtrise, le 33 pour trinquer, RG, je maîtrise, 3G, eh oui, je maîtrise, le 33 pour trinquer.